Yanni Gourde et le Lightning de Tampa Bay affrontent les Islanders de New York à 19h. Et finalement, à surveiller dans le monde du sport, les Golden Knights affrontent les Blackhawks. Pourquoi je vous parle de ce match-là précisément? Parce que Connor Bedard est tout feu, tout flamme cette saison avec les Hawks. Il y a déjà 4 matchs d'au moins 4 points, mais également Carter Hart, lui qui a fait partie du scandale d'équipe Canada Junior qui ont finalement été acquittés il y a quelques mois suite à un procès en Ontario, eh bien, a été éligible à signer avec un club de la Ligue nationale de hockey au mois d'octobre. Et là, eh bien, depuis hier, il est éligible à retourner au jeu et ça se fera ce soir. Il va être pour la première fois depuis quelques années devant la cage d'une équipe de la Ligue nationale de hockey. Il défendra la cage des Golden Knights. Ce soir et cette nuit, la neige devrait cesser. Ça sera nuageux par la suite avec 40% de probabilité d'averse de neige. On pourrait ressortir jusqu'à moins 15 degrés. Pour la journée de demain, ça sera généralement nuageux avec 30% de probabilité d'averse de neige, maximum moins 5. Mais on pourrait ressentir jusqu'à moins 15. Présentement en Beauce, il fait moins 6. Le copilote parfait pour terminer la journée. À la maison, au son du meilleur de la musique. Le trafic. Avez-vous hâte aux revues de fin d'année? T'sais, oui, on pense tout à l'émission qui est diffusée le 31 au soir, mais pas mal tout au long du mois de décembre, il y a des revues de l'année. Hein? Et il y a également les personnalités de l'année 2025 un peu partout dans le monde, mais également au Québec. Et au courant des dernières heures, il y a eu le premier qui a été révélé. La première revue de l'année a dit quelles étaient les personnalités québécoises de l'année 2025. On en jase au courant des prochaines minutes pour démarrer la dernière heure du trafic. En ce 2 décembre, mon nom est Alexis Lefebvre. Bien content de vous accompagner au meilleur de la musique. Parlant du meilleur, on va s'offrir la meilleure Tunky Punch. Il est 17h. C'est un punchy. La Tunky Punch. Oh! Toutes les Tunky Punch sont bonnes. Mais moi, j'ai un faible pour celle-ci parce que c'est un band de rock et en plus, canadien. De la bonne musique de chez nous. C'est ce qu'il faut. Ce soir, notre Tunky Punch, Sum 41 et leur classique In Too Deep qu'on aurait aimé ça entendre au Vince Rap Tour. Mais malheureusement, le groupe n'existe plus. La Tunky Punch. Oh. The faster we're falling, we're stopping and stalling, we're running in circles again. Just as things were looking up, you said it wasn't good enough, but still we're trying one more. Backwards to relate. It's one thing to complain, but when you're driving me insane, well then I think it's time that we took a break. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far. sur la journée et une congestion de hits. Le trafic. Oh, 101.5. Ce matin, j'écoutais Jean-François Routier dans Vos 100 000 matins, émission qui diffusait de 6h à 9h, et je l'ai entendu parler de l'équipe de l'actualité qui est dirigée par le directeur en chef Éric Chénier, qui, lui et son journal, ou du moins sa revue de presse, a décidé d'émettre tout de suite, en ce 2 décembre, les titres de personnalité de l'année. Entre autres, Jeannette Bertrand et Armand Vaillancourt. Jeannette Bertrand qui a eu 100 ans cette année. Sinon, la personnalité sportive de l'année, c'est Lugansdor, lui qui a remporté le championnat de la NBA cette année avec le Thunder de Oklahoma City. Sinon, il a nommé Florence Lompré comme personnalité de l'année, qui est scénariste, comédienne, et elle a connu un succès international avec la série Empathie, tout simplement un bijou, cette série-là. Et finalement, l'étoile filante. Ça, j'ai adoré. Ils ont fait comme une espèce de personnalité de l'année, étoile filante, qui a passé vite, là, dans les derniers jours. Marois Risky. parce qu'il dit, malgré la récente crise au PLQ en ce moment, qui a mené à la suspension du caucus, le député de Saint-Laurent, puis tout ce qu'on connaît, même qu'aujourd'hui, encore une fois, Marois Risky a parlé avec les médias, parce que justement, c'était terminé, il y a eu un bras de fer entre les deux, elle dit qu'elle n'a pas confiance... Pablo Rodriguez l'a expulsé pour manque de royauté, pardonnez-moi. Fait qu'ils l'ont nommé également comme personnalité comète de l'année, du moins étoile filante. Et j'ai envie de vous poser la question, 88-387-115, vous, quelle est votre personnalité québécoise de l'année? Moi, j'aime bien le choix de Lugansdorf, un gars qui a grandi à Montréal-Nord, un gars qui, on connaît son histoire, preuve de persévérance, et qui a finalement réussi à se frayer un chemin dans la NBA et qui a remporté le trophée remis à l'équipe championne de la National Basketball League. Assez impressionnant. Parenthèse également sur ce qui se trouve sur notre site de nouvelles, mabosse.com. On parle qu'il y aurait les pompiers là, au cégep de Beauce-Appalaches, ici même à Sainte-Marie. Mais ça serait pour une odeur, là, ça serait pas, il n'y aurait pas un vrai danger. Ça serait une odeur suspecte, mais rien d'imminent ou rien de dangereux là, pour le moment. Là. Ça serait plutôt une odeur et ça serait sous contrôle. C'est une mise à jour qu'on vient tout juste de recevoir au meilleur de la musique à cette heure-ci. Restez branchés dans quelques instants. Ça va être... Boom Ding Band avec leur succès de Noël, le Père Noël, c'est un Québécois. N'oubliez pas de me texter au 88-387-105. Quelle est votre personnalité de l'année québécoise? Don't know where I'm going, don't care where I've been. Bought a brand new bottle, babe, I'm here to drink again. Still looking for a good time. Come over, have a good time. Yeah, yeah, peu importe où tu veux aller, où tu veux t'enfuir. Hey, je peux passer le prendre et te conduire. J'ai apporté la guitare et le whisky. 3-4 chaises pliantes pour le camping. J'ai appris toute la chanson que tu m'entends. On pourrait boire 3-4 titres quand j'ai bu ses temps. Don't know where I'm going, don't care where I've been. Bought a brand new bottle, babe, I'm here to drink again. Still looking for a good time. Come over, have a good time. Mon chum Chico m'a conseillé des bonnes places. Où il va faire chaud, mais j'ai les yeux type une glace. Je sais que t'as pas besoin d'un château. Juste une petite soirée sur le bord de l'eau. Avec une coupe de vin, on pas besoin du réseau. Je vais monter la tente, tu peux prendre sa baisse long. Je vais te sur content, même en pédalo. Demain on déjeune dans le town, de chez Bougamo. J'ai appris toutes les chansons que tu m'entends. On pourrait boire 3-4 titres quand j'ai plus de temps. Don't know where I'm going. Parce qu'on a un peu trop bu hier. T'en fais pas, on sera pas en retard. T'en fais pas, on sera pas en retard. Et si la bière nous mène au fort, parce qu'on a encore soif d'hier. T'en fais pas, on sera pas en retard. T'en fais pas, on sera pas en retard. Des fêtes. Le meilleur de la musique. Le papa, le papi, le popo, le papi, le papa Noël, c'est un Québécois. Avec ses bas de laine, pis son gros parka. Le Père Noël, c'est un Québécois. Son sac de bébelle, rempli de joie. Un train pour Alain, un foulard pour Édouard. Une poupée pour Mireille, des patins pour le petit Corbeil. Oh, ouais. papi, le papa, le pépu, le papa Noël, c'est un Québécois. Avec ses bas de laine, pis son gros parka. Le Père Noël, c'est un Québécois. Son sac de bébelle, rempli de joie. Des gants pour Fernand, un bréviaire pour Rosaire. Des pop pour Noël, un beau gars pour Gloria. Alléluia. Le papa, le pipi, le popo, le pipi, le papa Noël, c'est un Québécois. Avec ses bas de laine, pis son gros parcours. Le Père Noël, c'est un Québécois. Son sac de bébelle, rempli de joie. Un chapeau pour Bruno, une fille chaude pour Jean-Claude. Une paire de claques pour Clark, des amis pour Larry. Ah oui! Père Noël, apporte des bébelles. J'en ai eu, j'en veux plus, swing les top dans rue. Père Noël, apporte des bébelles. J'en ai eu, j'en veux plus. Oh, tous les dons, tout dans le... Plutôt dans le... Ah, puis finalement, maintenant, tout ça, voyons, c'est quoi les petits noms, là, cette affaire-là, là? Ça m'échappe. Voyons, je l'ai sous bout de la langue. Comment tu... Le trafic. Ah ben si le Père Noël c'est un Québécois, moi je pense que c'est lui ma personnalité de l'année parce qu'au courant des prochaines semaines, il va nous gâter en temps. Comme moi je vais vous gâter également avec le meilleur de la musique au courant des prochaines minutes à venir. Probablement un des plus grands groupes de rock des années 2000. Leur premier album a été quoi? Numéro 1. C'est un classique. Hybrid Theory. Quel album de Linkin Park, hein? Et c'est pas ça qu'on va vous jouer. Bah, tu peux pas nous vanter Hybrid Theory pis dire que c'est pas ça que tu nous joues. C'est pas l'album que je vous joue. C'est un autre de leur succès. Qui se trouve sur un album un peu plus récent de la formation qui a marqué les esprits des gens en raison qu'il a été choisi comme trame sonore de Transformer. Voici Nambo, meilleur de la musique à O105. Le meilleur de la musique. Le meilleur de la musique. Oh! Demain matin, 6h, ça commence fort. 100 000 matins. Oh. Ton show connecté sur ICI. Moi, je me lève avant vous autres, pas pour faire du yoga, mais pour être bien prêt à vous résumer ce qui se passe. Les 100 000 matins, c'est l'actualité de chez nous, le sport puis du fun. Salut, c'est Jeff Routier. Demain matin, on part ça ensemble. Demain matin, 6h. Pas besoin de snoozer. Le meilleur de la musique. Oh. Problème de thermos embué? Pensez Vitrerie Sainte-Marie. Luc et son équipe fait le changement de thermos embué sans avoir à changer la fenêtre. C'est simple et surtout efficace. Vitrerie Sainte-Marie, des pros pour vos miroirs et le verre de votre douche. On est aussi spécialisé dans les vitres de véhicules récréatifs. Pour vos thermos pour la maison ou votre entreprise, on est la référence dans la région. 387-3977, Vitrerie Sainte-Marie, 695 boulevard Vachon Nord, en face du Kentucky. Offrez des souvenirs qui avec la boutique de Noël éphémère de Tourisme Chaudière-Appalaches. Resto, golf, massage, ski, hôtel, des cartes cadeaux du montant de votre choix. Jusqu'à 30% de rabais, 100% plaisir. Jusqu'au 21 décembre seulement. Boutique.chaudière-appalaches.com. Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeux de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance ou jouez à la roulette, au blackjack et bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs. 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable. Prochain gros lot du Loto Max, 65 millions plus 8 Max millions. Un gros lot pachydermique. Pachydermique, gros comme un éléphant, que tu pourrais d'ailleurs t'acheter. toute l'équipe de JR Injection de Thetford Mines vous souhaite une bonne année. Notre spécialité, c'est la réparation et l'entretien de pompes à injection diesel. Nous pouvons également vous conseiller sur l'achat de pièces. JR Injection, maintenant rue Saint-Georges à Thetford Mines. 418-685-2718. Dans les profondeurs de la tempête, un navire oublié continue de dériver. Un vaisseau où l'équipage n'a jamais trouvé le repos. À l'explosion de Saint-Georges, osez entrer dans le vaisseau des âmes perdues. Le tout nouvel escape game qui vous plonge au cœur d'une légende maudite. Quatre pièces, plusieurs mystères. Chaque énigme résolue vous rapproche de la sortie, mais le temps presse. Arriverez-vous à sortir avant que le navire ne vous garde pour toujours? Le vaisseau des âmes perdues. Maintenant offert à l'explosion de Saint-Georges. On vous attend. Le trafic au 101.5 en direct du studio central NNC Solutions. Votre détaillant TELUS autorisé et sans Tri-Fi. Pensez local, c'est vital. 500 boulevard Vachon-Nord, Sainte-Marie. Ce soir et cette nuit, c'est de la neige, c'est Centaure ce soir. Ce sera généralement nuageux par la suite, avec 40% de probabilité d'averse de neige. Minimum de moins 12, mais on pourrait ressentir jusqu'à moins 15. Demain, ce sera généralement nuageux, avec 30% de probabilité d'averse de neige. Maximum de moins 5, mais on pourrait ressentir moins 15 le matin et moins 7 en après-midi. Pour ce qui est de en ce moment, pendant votre retour à la maison, il fait moins 7. Un miracle de Noël, est-ce que ça existe? Le miracle du temps des fêtes, est-ce qu'il est là pour vrai? Ben, il faudrait que la réponse soit oui cette année, parce qu'il y a une jeune femme de 24 ans qui en aurait grandement besoin d'un miracle du temps des fêtes. Je vous explique son histoire, j'ai J'ai été touché, ému, parce que j'ai lu dans le journal ce matin une histoire qui est venue me toucher directement droit au cœur et qui également va le faire pour vous. Elle a 24 ans, elle s'appelle Maggie, et elle survit en ce moment. Elle a besoin pas d'un, pas de deux, pas de trois, pas de quatre, pas de cinq, mais de six dons d'organes du même donneur. Tout a commencé il y a 4 ans. Elle a fait une pancréatite causée par des calculs biliaires qui auraient été mal diagnostiqués. Depuis, complications par-dessus complications, par-dessus complications, par-dessus intervention, vous avez compris. Aujourd'hui, elle doit recevoir du même donneur le foie, la veine porte, l'intestin grêle, l'estomac, le pancréas et l'œsophage. C'est une opération qui a été réalisée qu'une vingtaine de fois au pays. Si un donneur compatible est trouvé, elle devra être opérée pendant plus de 15 heures et elle devra ensuite rester jusqu'à 6 mois à l'hôpital d'Edmonton en convalescence et ensuite poursuivre sa récupération à la maison pendant au moins un minimum d'un autre 6 mois. Sa famille a besoin d'argent présentement parce que c'est une opération qui est pas facile. Puis vous allez me dire, oui, mais au Canada, tu sais, on n'est pas aux États-Unis, sauf que, hey, pensez au travail manqué, pensez au loyer, pensez au financement du véhicule, pensez à la nourriture, quand on sait qu'il y a, là, je sais que c'est dans l'Alberta, mais au Québec, c'est une personne sur trois qui est en situation d'insécurité alimentaire. Puis les données sont comme ça un peu partout au Canada. Statistique Canada en a fait une enquête. Et je voulais vous parler de cette histoire-là parce qu'on parle de miracle de Noël, on parle d'aider leurs proches, d'aider nos proches, pardonnez-moi. On parle de panier de Noël, on parle qu'aujourd'hui, ben, c'est le mardi « Je donne », donner à un organisme de votre choix. On parle de la guignolée des médias, on parle des vœux du temps des fêtes qu'il y a ça donné à des organismes communautaires de la région. On parle de tout ça qui se passe là, pendant le mois de novembre, décembre. Mais si vous pouvez donner, faites-le. Parce qu'il y a des gens comme Maggie qui, présentement, sont dans le besoin et qui attendent un miracle de Noël. Ça serait le fun cette année d'en donner un au plus de familles possible. Jay Scott est à venir au meilleur de la musique à 11h05. Mais avant ça, un gars qui va faire un gros party le 31 décembre au soir à Québec. Voici Éric Lapointe à 11. C'est une histoire d'amour, une histoire sans danger, une histoire de tous les jours, on vient de se rencontrer. C'est une histoire banale, une histoire sans pitié, une histoire qui fera mal, on peut rien y changer. Dès le premier regard, il est déjà trop tard. Dès qu'on commence à s'aimer. Oui, j'ai rencontré la vie et j'ai tout fait pour l'aimer. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'elle ne pouvait durer. C'est une histoire d'amour, une histoire de tous les temps. La vie nous fait la cour, on y croit, et pourtant, dès le premier regard, il est déjà trop tard. Nos nuits sont comptées, on finit toujours par se quitter quand on commence à s'aimer. On commence à se quitter, dès qu'on commence à s'aimer, on commence à se quitter. On vient de se rencontrer. Dès le premier regard, il est déjà trop tard. Nos jours sont comptés, on finit toujours par se quitter. Dès le premier regard, il est déjà trop tard. Dès qu'on commence à s'aimer, on commence à se quitter. Quand on commence à s'aimer, on commence à se quitter. Dès qu'on commence à s'aimer. On my way, love is in the air when you hold my hand. I'm doing my best, compu mes défaites. J'ai plus grand chose à perdre, j'avance même quand j'ai la flemme. J'étais pogné in a dark place, wasted day and night. C'est maintenant ou jamais. Get out of my way, de devant ma belle, même si t'es devant. J'ai ressorti les 808. J'ai écrit mes heartbreaks. J'ai tellement de textes qui parlent de mes défaites. J'pourrais m'ouvrir un Renault Bré. J'suis back sur le Havre. J'ai travaillé les abs. Puis j'ai abandonné le sofa. J'ai fini de me demander ce que les autres pensent. J'ai tout misé en mi. Souhaitez-moi bonne chance. J'suis all in. J'ai payé pour, j'en ai plus de cash. Le jour que la musique marche plus, je partirai mon podcast. Comme tout le monde, la route est longue. I'm on my own. Je veux plus jamais me laisser crever pour plaire aux autres. Je veux plus noyer ma peine, faut que j'apprenne à nager dans l'eau chaude. J'ai visé le sommet de la montagne, puis je suis en ma way. Love is in the air when you hold my hand. I'm doing my best, compte plus mes défaites. J'ai plus grand chose à perdre, j'avance même quand j'ai la flemme. Devoir, j'en ai jamais fait. Le trafic. Deux personnes au bureau n'ont pas la grippe. Seulement deux personnes dans nos bureaux sont en pleine forme. Le reste du staff est malade. C'est peut-être la même affaire dans votre entreprise. C'est peut-être la même affaire à la maison, dans votre famille. Hein? La grippe est forte cette année. Puis qu'est-ce qu'on fait pour pas pogner la grippe? Ben, il y a une docteure qui a donné quelques conseils. Je vous les dévoile dans les prochaines minutes. Au meilleur de la musique à O105. Après un groupe qu'on espère qu'ils vont être au Vans Rap Tour au mois d'août prochain à Montréal, Green Day. On a encore plein de hits en réserve. meilleur de la musique. Hey, sais-tu c'est qui s'occupe de la bière pour le party de bureau cette année? Non, pourquoi? Parce que l'an passé, c'est Gendron qui s'en est occupé, puis on s'est ramassé avec des bières qui goûtent l'écorce d'agrumes, le citron, l'orange sanguine, genre. Yesh, oui, je m'en rappelle. Juste d'y repenser, j'ai encore mal aux joues tellement c'était surette. Il n'y aurait pas moyen cette année d'avoir de la bière de microbrasserie, mais qui goûte la bière? Oui, madame, je m'en occupe. Avec les bières de la garnison, on manquera pas notre shot. Microbrasserie La Garnison. Une bière qui goûte la bière. Filgo, c'est une entreprise 100% québécoise qui opère un vaste réseau de dépanneurs aux quatre coins du Québec. Partout où tu vas, les dépanneurs Filgo sont là pour t'accompagner dans tes déplacements. Et en cette période festive, toute l'équipe de Filgo te souhaite un joyeux temps des fêtes. Pour graver votre souvenir à vos descendants, laissez à Monument Chabot le soin d'immortaliser votre mémoire. Voyez nos produits personnalisés, dont les monuments funéraires en granit impérissable, sur monumentchabot.com. Monument Chabot, 163 rue de Rouyn, à Scott. 418-387-2425. Vitro Plus Z-Bart de Sainte-Marie est le spécialiste pour le remplacement de votre pare-brise. Également, le temps froid est arrivé. Nous avons un démarreur à distance pour vous. Vitro Plus Z-Bart de Sainte-Marie, c'est aussi batterie expert. Toute notre équipe vous souhaite un joyeux temps des fêtes et bonne année. À l'occasion du temps des fêtes, les propriétaires et employés de l'épicerie J.T. Lessard de Trinque-Jonction tiennent à vous remercier de votre confiance pour la qualité, la fraîcheur et les bas prix de nos produits. Pour vos repas de groupe pendant les fêtes ou pour toute autre occasion, pensez à notre service traiteur. Lors de votre retour à la réalité en janvier, facilitez-vous la vie avec nos menus midi et nos succulents mets préparés maison. Joyeuses fêtes de la part de toute l'équipe d'épicerie J.T. Lessard située sur l'avenue commerciale à Trinque-Jonction. Le meilleur. I'm making an offer that you cannot deny. You won't be laughing when I'm making you cry. Oh, I hear the blues get louder. You son of a bitch, you're gonna beg and cower. That you cannot deny. You won't be laughing when I'm making you cry. Oh, I hear the blues get louder. We'll be right back. Il y a seulement deux personnes au bureau qui sont pas enrhumées en ce moment. Puis c'est peut-être comme ça également chez vous à la maison ou également à votre travail. Puis comment ça que ces personnes-là ont pas le rhume? T'sais, on les côtoie à tous les jours. Puis comment ça, c'est juste nous autres là, qui ont le nez bouché puis qui parlent du nez? Mais c'est peut-être parce qu'ils ont suivi les conseils de Dr. Lena Wen, qui elle a donné 5 conseils pour pas tomber malade pendant le temps des fêtes. Premièrement, elle dit de rester actif, de faire de l'exercice parce que ça réduit le risque de maladies chroniques et ça stimule le système immunitaire. Deuxième conseil, consommer moins d'aliments transformés parce que ça contient des produits chimiques qui peuvent affecter le système immunitaire. Sinon, les personnes qui sont pas malades à la maison ou à votre boulot, c'est peut-être parce qu'ils dorment plus que vous parce que dormir suffisamment aide à combattre les microbes, aide au système immunitaire. Alors, si on fait des nuits blanches, bien, ça se peut que notre système immunitaire soit affaibli et qu'on soit plus apte à, malheureusement, tomber malade. C'est peut-être également parce que ces personnes-là consomment pas d'alcool ou ne fument pas parce que fumer et boire sont des vecteurs, ou du moins des facteurs qui font en sorte qu'on peut tomber malade, enrhumé plus facilement. Et tout d'abord, en terminant, ils se lavent les mains, font attention, tous dans le coude, gardent un peu de distance. C'est tous des trucs que, comme se laver les mains, qu'on devrait faire tout le temps, mais que des fois, on oublie de faire, puis c'est la fois qu'on a oublié ou c'est la répétition qu'on a oublié qui fait en sorte que ben, c'est nous autres qui parlent du nez. À venir, Fred Dionne et Vince Dunard au meilleur de la musique, mais avant, une chanson qui me fait ben rire, Minipot, Bleu Jeans Bleu. La meilleure façon de terminer la journée. Le trafic. Au 101.5. Allô? Oui. Souvenir d'adolescence, je mange un bol de Corn Pops. J'écoute le réseau des sports, c'est une game de mini-pot. Comme tous les dimanches, Cal Carmoni s'élance. L'animateur s'enflamme et puis on l'entend crier. Ça se pourrait, ça se pourrait, que la balle rentre puis que Carmoni gagne. Ça se pourrait, ça se pourrait, que la balle rentre puis que je tombe en transe. Quand j'écoute le mini pot, je vais sur le top. Quand j'écoute le mini pot, je vais sur le top. Quand j'écoute le mini pot, je vais sur le top. De voir un bébé, ça me fait capoter. Quand j'écoute le mini pot, je vais sur le top. Quand j'écoute le mini pot, je vais sur le top. Quand j'écoute le mini pot, je vais sur le top. De voir un bébé, ça me fait capoter. Faut se rappeler qu'à l'époque, le mini pot roule fort. La moustache est en vogue, pis Carmoni c'est toute qu'une star. Fait que quand on joue des 18 trous, on copie toutes ses moves. On se laisse pousser le pinch move, pis on crie à chaque coup. Ça se pourrait, ça se pourrait, que la balle rentre, pis que ce soit moi qui gagne. Ça se pourrait, ça se pourrait, que la balle rentre, pis que je tombe en transe. Comme quand j'écoute le mini pot, j'vais sur le top. Quand j'écoute le mini pot, j'vais sur le top. Quand j'écoute le mini pot, j'vais sur le top. De voir un verbe, ça me fait capoter. Quand j'écoute le mini pot, j'vais sur le top. Quand j'écoute le mini pot, j'vais sur le top. Quand j'écoute le mini pot, j'vais sur le top. De voir un verbe, ça me fait capoter. Quand j'écoute le mini pot, j'vais sur le top. Quand j'écoute le mini pot, j'vais sur le top. Quand j'écoute le mini pot, j'vais sur le top. De voir un birdie, ça me fait capoter. Quand j'écoute le mini pot, j'vais sur le top. Quand j'écoute le mini pot, j'vais sur le top. Quand j'écoute le mini pot, j'vais sur le top. De voir un birdie, ça me fait capoter. Quand j'écoute le mini pot. Quand j'écoute le mini pot. Quand j'écoute le mini pot. Quand j'écoute le mini pot. Quand j'écoute le mini pot. Quand j'écoute le mini pot. J'écoute le mini pot, j'vais sur le top. De voir un birdie, ça me fait capoter. Nashville, puis la Nouvelle-Orléans, Memphis, LA, puis Austin. J'voulais jouer dans cour des grands. Fait que j'ai rêvé des grandes villes, celles qui ont vu naître les légendes, que j'écoutais en vinyle quand j'étais enfant. Fait que j'suis parti dès que j'en ai eu la chance. Sur la route que j'ai fait mes classes. Hey! J'ai fait du chemin depuis le temps, où on traînait dans les parcs. On amenait deux, trois guitares, puis chacun un six-pack. Jusqu'à trop tard, moi pis mes vieux chums, on se prenait pour des sorts, on passait pour des bonnes. Fait que j'suis parti dès que j'en ai eu la chance. Ouais, j'suis parti, c'est sur la route que j'ai fait mes classes. J'ai tout vendu, j'avais à peu près rien. À l'époque on me disait que j'étais né pour un petit pain. Mais pour me botter le cul, y'a pas meilleur moyen. J'sais qu'avec un projet, un gars peut faire son chemin. J'avais à peu près. Canadien sénateur, mesdames et messieurs, ça commence à 19h. Samuel Montembeau devant la cage du tricolore. Ne manquez pas demain les 100 000 matins avec Jean-François Routier. Il va recevoir en entrevue Yves Lambert de la Bottine Souriante pour nous parler de ses 50 ans de carrière. Cette entrevue-là, n'a pas manqué, va être diffusée aux alentours de 7h40. Sinon, à 8h20, Voyage Fascination vient faire sa chronique. Et à 7h20, chronique Chasse et pêche avec Kate. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Soyez prudents sur les routes. La route est enneigée, surtout direction Québec. Là. Je l'ai fait un peu plus tôt aujourd'hui. La première slotch, ben, on l'a en ce moment. Donc, si jamais vous prenez la route de soir, faites très, très, très attention. Les hits s'en viennent dans quelques instants avec Chuck qui vous réserve Of Monster and Men, Imagine Dragon, Josh Ross, Nirvana. Pis ça, c'est pas répartié, là. Non, non, non, non. C'est un à la suite de l'autre. Ouais, que du gros stock au meilleur de la musique. À demain, tout le monde. Ciao, ciao. Dans un instant, que le meilleur. Le meilleur de la musique. Oh. Oh. 101.5. Pour faciliter le temps des fêtes, il y a toujours Mike sur Sainte-Marie. On vous attend pour déjeuner, dîner ou souper en salle à manger ou pour emporter. Joyeuses fêtes de notre famille à la vôtre. Offrez des souvenirs qui durent avec la boutique.